Pour la suite, faire dérouler tranquillou l'aspect française, et ben pour la doublette suivante, on retrouve et ben une nouveauté, puisque nous avons Paydrates, qu'on vient juste de rentrer dans la playlist, groupe de Heavy qui nous vient des Hauts-de-France. Pas du tout, je me plante de ligne, n'importe quoi, on recommence. Pidgewits, donc c'est du Black Folk qui s'est formé l'année dernière. Ils sortent leur premier effort studio et donc premier album chez Antique Records. Projet donc tout récent, mais avec des membres, bah, ma foi, bien expérimentés, qui nous viennent de Himin Björg, Tankos, Anternos, Régiment, etc. Du black chanté en français, bien épique, rehaussé d'instru folk, cornemuse et flutio. Voilà donc pour Pete Reeds. Enfin, je le prononce à l'anglaise, donc je le prononce certainement très très mal, hein. Pay Dreads, je ne sais pas exactement. Chronique de l'insurrection, oh, ça doit bien renvoyer à l'époque révolutionnaire ça. L'Autosquin nous appelle, oh bah oui, on doit complètement y être même, ou je me plante totalement d'ailleurs. Et juste avant Pay Dreads, Existence, ou Existence encore une fois, groupe de Heavy cette fois, qui nous vient des Hauts-de-France. Wolf Attack, c'est le nom de leur nouvel effort studio, et on va s'écouter tout simplement le titre de l'album. Existence, Petrets, toujours dans l'aspect française. Little King. voilà, après une rapide recherche et puis surtout après avoir consulté l'artwork Pedroettes, on est effectivement bien sur l'époque révolutionnaire, les chouanneries et autres festivités du genre qui ont dévasté la Bretagne au XVIIIe siècle. On enchaîne toujours dans l'aspect française avec la doublette suivante, Bishop, formation qu'on a entrée il y a quelques semaines. Groupe français donc qui nous vient de Metz, ils sortent là leur premier album éponyme. On est sur un mélange entre du sludge bien dégoulinant, du post-hardcore et des éléments black. Quatre morceaux composent cet album de 6 à 13 minutes. Pas de titre, hein, les morceaux s'intitulent sobrement Untitled 1, 2, 3, 4. Et enchaîné à Bishop, on va s'écouter Slapdown, groupe de death à tendance brutale. Et ils sortent là leur première effortue longue durée après un premier EP vu en 2018. Et puis bah ça fait le job quoi. Fundamentally Wicked, une sortie MEO Music. On va s'écouter le titre Disappear. Et Bishop, juste avant, avec le titre Untitled 2. C'est parti! a clôturé donc l'aspect française et on réattaque la diff internationale avec la doublette à venir Mastodon tout d'abord. C'est une nouveauté, 8e effort studio pour le groupe Rickin. Ça reste toujours assez inclassable musicalement, hein, c'est unique et identifiable cependant. On est sur du metal prog, mais ça va ratisser super large dans le style, hein, un peu desert rock, un peu sludgy. Bon là, là où ça se pose méchant, c'est que c'est un double album, 15 titres pour environ 1h30 de musique. Mastodon continue donc de creuser sa voix avec sa recette si personnelle. Ce nouvel effort de Mastodon s'intitule Hushed and Grim. On va s'écouter le titre Pushing the Tides et ensuite Bellacor qui est également une nouveauté. Alors Bellacor, groupe de death metal qui nous vient d'Australie. Fortement inspiré par toute la scène scandinave, pour ne pas dire suédo-finlandaise, telle que Dark Tranquility ou Insomnium. Death Mellow assez prog, qui a quand même une carrière d'une quinzaine d'années, c'est donc leur 5e album studio. 8 titres pour 1 heure de musique, des titres donc assez longs et très très riches. Voilà donc pour les présentations de la doublette de nouveautés. J'ai déjà annoncé le titre de Mastodon, Pushing the Tides, pour Bellacor, ce sera Foothold, extrait de leur nouvel effort studio Coherence, déjà dispo chez Napalm Records. C'est parti. We'll be right back. On attaque le dernier quart d'heure de l'émission d'aujourd'hui. Pour rappel, les micros ne s'arrêteront pas nous concernant à 23h. Tout simplement, bah, 23h jusque vers minuit. Nous basculerons sur une émission spéciale autour du thème d'Halloween. Voilà, comme ça tombait un dimanche soir, ça nous permettait de proposer un format un petit peu différent pour vous accompagner jusqu'à minuit. Donc voilà, restez bien connectés à la clôture de l'émission classique pour profiter encore une heure d'ailleurs ensemble on fera découvrir et redécouvrir plein de très très très chouettes choses. On enchaîne avec donc Sol Sisteré qu'on a rentré dans la playlist tout récemment, semaine dernière si je ne m'abuse. Sol Sisteré, qu'est-ce que l'on peut dire de cette formation? On est sur du Black Atmo qui nous vient du Chili, actif depuis 2013, troisième album effort studio. On est sur du black assez atmo, assez pesant. On n'est pas sans penser à Winterfields en termes de référence. Et ensuite, nous aurons Kemis, groupe de Doom originaire du Colorado. Et on est sur du Doom assez mélodique et légèrement épique. Quatrième effort studio qui sort chez Nuclear Blast. Et pour la petite anecdote, hein, le groupe avant était signé chez Buckspin Records, 20 Buckspin Records, pardon, ce label que l'on apprécie tout particulièrement. Et concernant Kemis, c'est une nouveauté pour aujourd'hui. Voilà, la double était donc présentée. Sol Sisteré, Black Mass, extrait de l'album éponyme Sol Sisteré. Kemis Living Pyre, extrait de l'album Deceiver, prévu chez Nuclear Blast le 5 novembre. Yeah. se rapprocher encore un peu plus, enfin j'allais dire doucement, pas tellement, un peu plus brutalement de la fin, on va dire. On va s'écouter et ben encore une nouveauté, Cenotaph, groupe de slam qui nous vient de Turquie. Groupe de slam dans lequel on retrouve un Zikos de Dark Old Slave, hein, excellent groupe de slam death qui nous vient du nord de la France. Cenotaph, actif depuis près de 30 ans, hein, ça doit être un des plus vieux groupes de brutal death qui nous vient de Turquie. Il ne reste d'ailleurs que le chanteur d'origine bah, par rapport à la première formation. Et on retrouve une fois de plus ce cher Florent Duployé, mercenaire européen de la batterie que l'on a pu écouter bah, récemment chez Kakotanazin, Filtered Mankind, qu'on vous a diffusé encore plus récemment. Voilà donc pour ce nouvel effort studio de Cenotaph, il n'y a rien de plus à dire, c'est méchamment efficace, c'est puissant. Precognition to Eradicate, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite, et ça nous permet de vous rebalancer une petite sortie Coyote Records. Le label est assez peu actif, mais nous balance toujours des bonnes petites perles. Anomalous Necrotic Breed, c'est le titre de Cenotaph qu'on va s'écouter, et en doublette Dotswanger Formation, c'est pareil qu'on vous a diffusé à partir, enfin depuis dimanche dernier, une sortie DB Murmorty Production. On est sur du black international, puisqu'on retrouve des Français, des Finlandais et un Norvégien. Donc voilà, un All-Star Band du Black International. C'est brutal, c'est pesant, c'est malsain, c'est bah, super cool à s'écouter. Ça existe depuis 2014, c'est leur second effort studio pour The Dotswanger. Serpents of Old, on va s'écouter le titre, At the River's Bleeding. Pas du tout, At the River's Bleed the Blessing. J'ai fait une légère contraction qui change totalement le titre du morceau. C'est parti, Cenotaph, puis Dotswanger. We'll be right back. Et on clôture donc tout de suite l'émission classique d'aujourd'hui, avant encore une fois de basculer sur la spéciale, avec une toute dernière nouveauté, Burial, une sortie chez le très qualitatif label Everlasting Spew Records. C'est une version édite du titre Halls of the Formless Unraveler, extrait de leur effort studio Inner Gateway to the Slumbering Equilibrium of the Center of Cosmos. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Boreal? Eh bien, c'est un groupe de Death Doom italien, actif depuis quelques années. Ils sortent là leur premier effort longue durée, voilà, en proportion de ce titre d'album à rallonge. 5 compos qui varient de 5 à 13 minutes, c'est massif, c'est crado, pas mal inspiré par les scènes Doom Death scandinaves. Voilà, donc là on est sur une version un peu réduite, hein, edit radio, puisque là le morceau fait 10 minutes et là on s'en écoutera 5. Et parfait, puisque Burial nous permet de faire la bascule en toute cohérence sur l'aspect Halloween que l'on vous présente eh ben, juste après se l'être écouté. A tout de suite donc pour la troisième et dernière partie un peu spéciale de ce Hellbanger du 31 octobre 2021. Très bonne écoute avec Burial, on se retrouve juste après.